Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Début ce mardi 13 mai de la campagne électorale pour les communales et législatives, prévue le 5 juin prochain. Et c'est parti pour durer 3 semaines. La police en charge de la prévention des catastrophes et des incendies fait face au manque de personnel qualifié et à l'insuffisance du matériel adéquat pour ces interventions. C'est ce qu'a déclaré le général-major de police Eugène Dikoumana, chef de cette division, à l'occasion de la célébration ce 13 mai 2025 de la Journée internationale des sapeurs-pompiers. Et divers quartiers avoisinant le lycée Rumongue n'ont pas d'eau potable depuis 4 jours. Et cette coupure est répétitive depuis plus d'une année et ça inquiète. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Début ce mardi 13 mai de la campagne électorale pour les communales et les législatives prévues le 5 juin prochain. Les partis politiques, coalitions et indépendants ont jusqu'au 2 juin pour convaincre leurs électeurs. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a débuté sa campagne en commune Kirimba de la province Ngozi. Le parti CNL, lui, se trouvait en commune et province Gitega, tandis que le parti FP Ineza a choisi la mairie de Bujumbura pour lancer sa campagne. La rédaction revient sur certaines dispositions du décret du 9 mai dernier, portant ouverture solennelle de la campagne électorale pour les élections des députés et des conseillers communaux. Et c'est avec Francine Ndihokubgayo. Ce décret signé par le président de la République le 9 mai est composé de 15 articles annonçant l'ouverture officielle de la campagne électorale. Celle-ci débute ce mardi et s'étendra sur une durée de 3 semaines. Selon l'article 2, les activités de campagne sont autorisées chaque jour de 6h à 18h. Cette campagne, qui concerne les élections des députés et des conseillers communaux, est réservée aux partis politiques, aux coalitions des partis, ainsi qu'aux candidats indépendants, dont les candidatures ont été validées par la Commission électorale nationale indépendante pour les élections des députés et par la Commission électorale provinciale indépendante pour les communales. L'article 5 précise que les participants à la campagne peuvent accéder aux médias d'État. Le Conseil national de la communication est chargé de garantir un accès équitable à ces médias pour tous les candidats. En matière d'affichage, il est interdit de coller des affiches en dehors des emplacements prévus à cet effet ou sur ceux attribués à d'autres candidats. Les emplacements sont attribués selon l'ordre de réception des demandes. L'article 9 rappelle l'interdiction de tenir des propos injurieux ou diffamatoires à l'endroit des autres candidats, quel que soit le moyen utilisé. Par ailleurs, la distribution des documents ou de supports de propagande électorale est interdite pendant les heures de travail et dans les lieux professionnels, qu'ils soient publics ou privés. L'article 12 interdit le port ou l'affichage de tout signe distinctif des candidats entre la clôture de la campagne et le jour du vote. Toute infraction à ce décret sera sanctionnée conformément à la loi, sans préjudice des dispositions du code pénal. Francine Ndihokubgayo, je vous l'avais dit, le parti CNDD-FDD a lancé sa campagne en commune Kirimba. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a déclaré qu'aucun Burundi ne se rendra plus dès 2030 à l'étranger pour les soins, car le Burundi sera déjà doté d'infrastructures hospitalières modernes et équipées. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a également déclaré que pour y arriver, une bonne gestion dans tous les secteurs de développement du pays sera assurée d'après le numéro 1 burundais. Apollinaire Muzagara a suivi cette campagne. Comme l'a annoncé le président de la République du Burundi, le CNDD-FDD envisage un bon nombre de programmes de développement de son pays qui viennent compléter les réalisations déjà faites. Evariste Ndayishimiye parle entre autres de la construction dans le secteur de la santé, des hôpitaux modernes, quitte à éviter d'ici 2030 des soins chers à l'étranger. Au numéro 1 burundais, dès qu'il y a des hôpitaux au Burundi où on procède déjà à des opérations cardiaques et autres, opérations qui ces derniers temps ne se faisaient pas au Burundi, d'où d'autres hôpitaux seront bientôt érigés dans ce pays. Évariste Ndayishimiye évoque aussi un important soutien des banques, principalement celles des jeunes et femmes, et le PAEJ pour le numéro 1 burundais. L'objectif est d'arriver à 50 jeunes milliardaires d'ici 2030 et qu'au moins à cette période, tout Burundais soit en mesure d'avoir sur son compte au moins 1 million de francs. En vue d'accomplir cette mission, une bonne gestion de la chose publique sera renforcée. Il parle aussi de la promotion des secteurs clés de développement, notamment l'agriculture et l'élevage. Là, un accent particulier sera mis à la culture d'avocat, où le Burundi exportera en 2030 plus d'un million de tonnes de cette culture, sans oublier l'assainissement du secteur minier et autres qui procurera des devises au Burundi. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Je rappelle que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, est également président du Conseil des sages du parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Et de son côté, le parti Fraternité des Patriotes, INEZA, appelle la population burundaise à prendre un moment pour réfléchir à l'avenir, afin de bien choisir leurs représentants et surtout d'éviter le sensationnalisme. Le président de ce parti l'a déclaré ce mardi lors du lancement officiel de la campagne électorale de son parti, qui prévoit de faire du porte-à-porte pour présenter ses engagements à la population. Francis Sirohero a également souligné que 200 membres issus de 5 provinces du pays sont sur la liste de ceux qui vont se faire élire, dont 86 femmes. Suivez-le au micro d'Ornella Mucho. Nous avons bien signifié que ce sont des élections régionales. Pour cela, nous avons à expliquer et à enseigner au peuple burundais que les députés ne sont pas élus par leur programme, mais par contre par leur personnalité, par leur capacité à conseiller, à donner l'exemple. Et nous avons signifié que chez nous, l'activité électorale a été faite depuis belle lurette, de la façon la plus connue que les partis politiques essaient de travailler en réunissant des gens dans les stades. Nous voulons arriver à la base. Montrer que nous avons une parole à donner, montrer que nous avons des enseignements à donner, montrer que nous avons la capacité d'être posé des questions et de les répondre, de répondre particulièrement à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, le manifeste le Burundi tel qu'il est aujourd'hui. Nous considérons que les Burundais qui ont 18 ans aujourd'hui sont des Burundais majeurs, capables d'écouter, d'entendre, qu'ils aient été à l'école ou pas, ils ont un sens du bien. Nous voulons cette confrontation entre l'élu et l'électeur, qui est une relation de communion entre ceux qui élisent et ceux qui se font élire. Parce qu'on s'imagine que les Burundais ont délaissé la politique, c'est une façon de les amener à aimer la politique. Et la politique, c'est quoi? L'organisation de leur vie à partir de la base jusqu'au sommet, la vie burundaise. Nous sommes écœurés du fait qu'on voit des intellectuels burundais, des gens adultes qui disent que la politique ne vaut plus la peine. On ne peut pas construire un pays sans faire de la politique. Nous lançons un appel à tout Burundais que ces élections soient un moment de repris par rapport à ce qui a existé. Les élections, c'était toujours un moment de guerre. Aujourd'hui, on va dire aux gens, l'élection, c'est une journée, c'est quelques heures, c'est peut-être 5 minutes pour chacun, mais que ce soit un moment pour penser à l'avenir, que les gens s'intéressent à la politique, que les gens conçoivent que c'est un moment de début. Nous, on vient de commencer pour aller très loin, que les Burundais s'engagent à savoir qui ils vont voter, pourquoi ils vont voter et qu'est-ce qu'ils veulent comme résultat et que tout le monde qu'on ait plus peur des élections, peu importe ce qui adviendrait, que les élections soient truquées ou pas, que les élections aient un problème quelconque, il faut que ça soit aujourd'hui une élection qui vient comme un mécanisme de vie par rapport à notre nation. Francis Rohero, président du parti Fraternité des Patriotes, INEZA. De son côté, le parti CNL a choisi d'ouvrir sa campagne électorale l'après-midi de ce mardi par la province de Gitega, avec pour motivation le fait que c'est une province, une grande province qui se trouve au centre du pays. Et Nestor Girukwishaka, président du parti CNL, a présenté les grandes lignes du projet de son projet de société, à savoir le manque de carburant, de devises, de l'eau et de l'électricité, la qualité de l'éducation qui se détériore du primaire à l'université. De Gitega, nous appelons notre correspondant fidèle d'Antoine Savimana. Dans cette ouverture de la campagne électorale qui a débuté par un défilé des membres du CNL venus des différentes provinces du pays, le président de ce parti a dit que leur projet de société vise à trouver des solutions à certains problèmes qui hantent la société burundaise, entre autres le manque de carburant, de devises, problèmes d'électricité, flambée des prix et les fertilisants qui arrivent en retard. Pour Nestor Girukushaka, président du CNL, le Burundi a besoin de nouvelles politiques pour qu'il soit réellement l'Eldorado comme on le chante souvent. Le choix de la province de Gitega pour ce lancement de la campagne a été motivé par le fait que Gitega est une grande province et qui se trouve au centre du pays. Le président du CNL a également signalé que la sécurité pour leurs membres est en général bonne, sauf quelques cas isolés dans certains coins du pays. Gitega, Fidèle d'Antoine Sabimana, pour la radio Isanganiro. Merci Fidèle. Nous avons appris que la coalition Burundi Bwabose n'a pas finalement commencé sa campagne électorale comme précédemment annoncé sur cette même antenne. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le manque de personnel qualifié, l'insuffisance de matériel adéquat et les pistes facilitant les passages des camions extincteurs sont parmi les problèmes auxquels fait face la police chargée de la gestion des catastrophes et des incendies, ce qui lui empêche d'intervenir efficacement en cas de besoin. C'est ce qu'a déclaré le général-major de police Roger Ndikumana, chef de la police en charge de la prévention des catastrophes et des incendies. Il s'exprimait lors de la célébration de la journée internationale des sapeurs-pompiers ce 13 mai. Il a appelé toute la population à contribuer à la prévention des catastrophes, chacun selon ses moyens et notamment en aménageant correctement leur lieu de vie et de travail. On l'écoute dans cette traduction française de Claude Itangishak. Nous faisons face à un manque d'équipement adéquat ainsi qu'à une insuffisance de ressources humaines qualifiées. Parmi les besoins les plus urgents, on compte des camions anti-incendie, des camions citernes pour l'approvisionnement en eau ainsi que des motopompes. À Mairie de Bujumbura, nous ne disposons que de camions. En cas d'incendie, nous devons souvent emprunter des camions auprès de l'aéroport ou à des forces de défense. Cependant, ces moyens restent largement insuffisants pour couvrir l'ensemble du pays. Nous lançons donc un appel à la population de veiller à libérer les voies d'accès, notamment dans les marchés, et à respecter les recommandations de l'urbanisme. Car nous avons constaté que certaines personnes construisent des bâtiments sans laisser des pistes pour les camions anti-incendie. Pénurie d'eau potable rapportée depuis bientôt 4 jours dans les quartiers haut placés dans la ville de Rumonge, ce qui inquiète les élèves, la direction et les riverains du lycée Rumonge à régime d'internat. Il faudrait que ce problème répétitif depuis plus d'une année trouve définitivement une solution. Au niveau de la régie des eaux Centre Rumonge, on informe qu'il s'agit des coupures du réseau hydraulique à l'origine de cette situation et dont la réhabilitation pour l'eau carissant est déjà terminée pour renormaliser la distribution en eau potable de cette localité. Jean-Pierre Misako. Courir ici et là à la recherche de l'eau potable pour les élèves internes et les riverains du lycée Rumonge, surtout des quartiers Rukinga et Gihwanya qui en disposaient, commence samedi dernier. À côté de l'hygiène, de la cuisson, de l'encadrement des élèves sortant à la recherche de l'eau potable qui se complique en cas de pénurie d'eau dans les enceintes de cette école, Pascal Nibizi, préfet des études à cette école, dit que le temps pour la révision de la matière vue se réduit. Il demande pour cela à la régie des eaux de résoudre définitivement ce problème en cette période de fin d'année scolaire. Au niveau de la régie des eaux Centre Rumonge, l'on informe qu'il s'agit de la coupure des conduites d'eau potable au niveau du quartier Nkayamba à l'origine de cette situation et que la réhabilitation est déjà terminée pour une normalisation de l'alimentation en eau potable. Les quartiers de Rukinga et Gihwanya haut placés et ayant été les premières victimes seront également les derniers à être alimentés. Malgré la décision de la régie des eaux de déplacer la conduite qui alimentait ces quartiers à partir des sources de Wurambi il y a bientôt plus d'une année, la fréquence de la pénurie d'eau potable y a été grande. Pour docteur ingénieur Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux. C'est une station de pompage de l'eau à partir du lac Tanganyika en cours d'aménagement sur la colline Mwange en commune Rumonge qui viendra à bout ce problème. Et selon lui, les conduites à partir des sources de la commune Burambi qui alimentent actuellement la ville de Rumonge en eau potable y seront raccordées. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme est saisie par la victime de violation de ses droits ou ses ayants droit par des organisations non gouvernementales des droits de l'homme ou par toute autre personne physique ou morale intéressée. La CNIDH a été récemment renouvelée et comprend 7 nouveaux membres qui ont prêté serment ce lundi devant le président de la République. Éclairage sur les dispositions de la loi du 5 janvier 2011 pour ce qui est de la personne habilitée à saisir la CNIDH. Comment la saisir et le sort des plaintes déposées. Stella Naïchimeye. L'article 43 de cette loi dispose que la saisine de la commission CNIDH se fait par une déclaration verbale ou par une lettre enregistrée au bureau de la commission et qui décrit sommairement la violation alléguée. Le même article précise que la saisine indique aussi l'identité du présumé auteur ainsi que son adresse le cas échéant. La commission est saisie par la victime ou ses ayants droit, par des organisations non gouvernementales des droits de l'homme ou par toute autre personne physique ou morale intéressé, conformément à l'article 42 de cette même loi. Elle peut se saisir d'office. Dans son article 44, cette loi prévoit que cette institution déclare irrécevable, notamment des requêtes ne relevant pas de sa compétence, ainsi que des affaires pendantes devant les juridictions. Dès qu'elle estime la requête recevable, comme le précise l'article 45 de cette loi, la commission désigne un de ses membres afin d'instruire le cas et rechercher les voies et moyens pour mettre fin à la violation. Le même article dispose que le commissaire désigné peut proposer un règlement à l'amiable de la violation dans les limites fixées par la loi. Au terme de ces enquêtes et investigations, le commissaire désigné transmet son rapport à la commission pour décision, comme le dispose l'article 46 de la même loi. Dans son article 47, cette loi stipule que la procédure devant la commission est contradictoire et aussi gratuite. L'article 48 de la même loi prévoit que la plainte est notifié au présumé auteur qui est invité à comparaître devant la commission dans un délai qu'elle est fixe. Le même article précise qu'en cas de saisine d'office, la commission invite directement le présumé auteur à comparaître à une date qu'elle est précise et la date est communiquée à la victime ou à son représentant, à ses ayants droit ainsi qu'aux témoins éventuels. Stella Ndaishimiye. En bref, en actualité internationale, les premiers réfugiés blancs africanaires sont arrivés aux États-Unis ce lundi. Ils se comptent à 49 Sud-Africains blancs bénéficiaires du statut de réfugiés et ont été accueillis au cours d'une cérémonie symbolique dans un hangar de l'aéroport de Dulles. Un accueil exceptionnel alors que Donald Trump a gelé depuis son retour à la Maison-Blanche le programme de réfugiés. Pour l'administration Trump, ces hommes, femmes et enfants ont été persécutés en Afrique du Sud en raison de la couleur de leur peau. Le président Donald Trump a déclaré lundi qu'il admettait ces Afrikaners en tant que réfugiés en raison du génocide en cours contre leur communauté en Afrique. Ce que conteste le gouvernement sud-africain qui affirme que les allégations américaines selon lesquelles la minorité blanche des Afrikaners est persécutée sont complètement fausses. Et Cristiano Ronaldo Jr., le fils de Cristiano Ronaldo, international portugais, quintuple ballon d'or, a été sélectionné dans l'équipe portugaise des moins de 15 ans. Il participe pour la première fois au tournoi international Zlatko Varković qui se déroule en Croatie à partir de ce 13 au 18 mai. Âgé de 14 ans, Cristiano Ronaldo dos Santos Junior, surnommé Cristianinho, est né le 17 juin 2010 à San Diego en Californie et peut donc représenter les États-Unis et le Portugal. Le jeune joueur a rejoint le centre de formation Al Nasser en Arabie Saoudite en 2023, après un passage au centre de la Juventus et de Manchester United. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douiman.